rush la crasse. J'ai la peufra avant de brastel. Je roule la groupette avant de laquelle. Passe au Hanoudi vend de la skelle. Je suis en mode auto, je suis comme la skelle. Fais comme Adolf, elle veut que je la nique dans la golf. Le rap français, je lui mets dans la gorge. Hey. 3 mecs armés à 806, y'a les équipes, les ustensiles. Pas pour profiter du dent, si tu meurs le temps d'abattement, si. Connecté comme un câble Ethernet, les comptes à rendre que devant l'éternel. Trop de frappes, j'ai jamais été net. Plus de balles, tu rejoins les ténèbres. J'veux la Tina, j'veux le Glock. J'suis Matina, j'veux le Glock. J'suis Johnny Depp, j'suis dans bloc. J'veux pas de politique, j'fais qu'en gros. Mes cicatrices, c'est de la haute couture, c'est de la psychiatrie, c'est des poils soudures, c'est la piraterie, c'est des schlacks soudures. Et la vengeance paye en petite coupure. Ouais, la vengeance paye en petite coupure. Pour pas craquer, j'roule des petites soupures. J'ai vécu 1000 crasses et 1000 coups durs. Entre les putes et les coupes soupures. 14h déjà éméché. Dégâts mon sac côté des déchets. Colonne prêt à rompre sous le poids des péchés. Starfall là, tu deviens solo quand tu kicks comme ça. Ça fait pleurer les violons, ça pique dans le sale. Ça crie lundi, fout en sale. Tu sors le ring à 300. Rouge comme la lune et le croissant. Sombre comme mon 5900. Une rafale avec le bruit du 1100. A 20 ans t'es rien, t'es un gosse. Gros sans action au terrain de cross. 60 kilos dans un T1. Si t'es contre nous t'es un hops. Des haches la chaise, vont hacher la zeb. Le cœur est HS. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai caché ma tête. J'ai gâché la fête. J'suis au fond du café, j'fume ma pète. Quasi tout le temps armé, j'suis ma bête. On a construit le réseau sur la maître. Dans lui, y'a plus rien, tu m'amènes. J'suis au fond du café, j'fume ma pète. Quasi tout le temps armé, j'fume ma pète. On a construit le réseau sur la maître. Dans lui, y'a plus rien, tu m'amènes. Canard, un crabe sur